C'est moi, Brandolf, votre héros de la sitcom. C'est très très dur d'être un héros de sitcom. Je cherche l'amour, je le cherche de nuit et jour. Brandolf, ouais. Va-t-il trouver l'amour? Et où, va-t-il trouver l'amour? Va-t-il trouver l'amour? Où l'amour? Va-t-il trouver l'amour? Et où, va-t-il trouver l'amour? Va-t-il trouver l'amour? Tu trouves.